Chapitre 7. Vers le commencement de cet hiver, Frédéric et Deslauriers causaient au coin du feu, réconciliés encore une fois par la fatalité de leur nature qui les faisait toujours se rejoindre et s'aimer. L'un expliqua sommairement sa brouille avec Madame d'Ambreuse, laquelle s'était remariée à un Anglais. L'autre, sans dire comment il avait épousé Mademoiselle Roque, conta que sa femme, un beau jour, s'était enfuie avec un chanteur. Pour se laver un peu du ridicule, il s'était compromis dans sa préfecture par des excès de zèle gouvernemental. On l'avait destitué. Il avait été ensuite chef de colonisation en Algérie, secrétaire d'un pacha, gérant d'un journal, courtier d'annonce, pour être finalement employé au contentieux dans une compagnie industrielle. Quant à Frédéric, ayant mangé les deux tiers de sa fortune, ils vivaient en petit bourgeois. Puis, ils s'informèrent mutuellement de leurs amis. Martinon était maintenant sénateur. Hussonnet occupait une haute place où il se trouvait avoir sous la main tous les théâtres et toute la presse. Sisy, enfoncé dans la religion et père de 8 enfants, habitait le château de ses aïeux. Pèlerin, après avoir donné dans le fourriérisme, l'homéopathie, les tables tournantes, l'art gothique et la peinture humanitaire, était devenu photographe. Et, sur toutes les murailles de Paris, on le voyait, représenté en habit noir, avec un corps minuscule et une grosse tête. « Et ton intime sénécal ?» demanda Frédéric. « Disparu, je le sais. Et toi, ta grande passion, Madame Arnoux ? Elle doit être à Rome avec son fils, le tenant de chasseur. Et son mari ? Mort l'année dernière. « Tiens, » dit l'avocat. Puis, se frappant le front, « À propos l'autre jour, dans une boutique, j'ai rencontré cette bonne maréchale, tenant par la main un petit garçon qu'elle a adopté. Elle est veuve d'un certain monsieur Oudry, et très grosse maintenant, énorme. Quelle décadence ! Elle qui avait autrefois la taille si mince. » Deslauriers ne cacha pas qu'il avait profité de son désespoir pour s'en assurer par lui-même. « Comme tu me l'avais permis, du reste. » Cet aveu était une compensation au silence qu'il gardait touchant sa tentative près de Madame Arnoux. Frédéric lui pardonnait, puisqu'elle n'avait pas réussi. Bien que vexé un peu de la découverte, il fit semblant d'en rire. Et l'idée de la maréchale lui amena celle de la Vadenas. Deslauriers ne l'avait jamais vue, non plus que bien d'autres qui venaient chez Arnoux. Mais il se souvenait parfaitement de Reginbard. Vit-il encore ? À peine. Tous les soirs, régulièrement, depuis la rue de Grammont jusqu'à la rue Montmartre, il se traîne devant les cafés, affaibli, courbé en deux, vidé, un spectre. Eh bien, et Compin ? Frédéric poussa un cri de joie et pria l'ex-délégué du gouvernement provisoire de lui apprendre le mystère de la tête de veau. C'est une importation anglaise. Pour parodier la cérémonie que le royaliste célébrait le 30 janvier, des indépendants fondèrent un banquet annuel où l'on mangeait les têtes de veau et où on buvait du vin rouge dans des crânes de veau en portant des toasts à l'extermination des Stuarts. Après Thermidor, des terroristes organisèrent une confrérie toute pareille, ce qui prouve que la bêtise est féconde. « Tu me parais bien calmé sur la politique. »« Effet de l'âge, » dit l'avocat. Et ils résumèrent leur vie.